Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, un dessin animé délirant. Le jour de son mariage, la jeune Suzanne Murphy reçoit sur la tête une météorite qui la transforme en un monstre de plus de 20 mètres. L'armée entre promptement en action, neutralise la géante et l'incarcère dans une prison top secrète. Monsieur le Président, nous avons un souci. Une fois de plus, un ovni a atterri sur le sol américain, qui semble être le seul pays où viennent se poser les extraterrestres. Humains de la Terre, ma quête m'a conduit tout droit sur votre planète. Je veux qu'on me la donne. N'y voyez en aucun cas une attaque personnelle. Les affaires sont les affaires. Galaxar a parlé. Monsieur le Président, il nous faut un remède miracle. Il nous faut une force brute, il nous faut des... monstres. Permettez-moi de vous présenter Insectosaur. Et voici le maillot manquant. Un homme-poisson âgé de 20 000 ans. Ce charmant jeune homme est le docteur Cafard, éminent scientifique. Je ne suis pas un charlatan, je suis un savant fou. Et notre dernière découverte est haute comme un immeuble de 50 étages. Excusez-moi. Doté d'une taille et d'une force extraordinaire. Monstre en avant, marche. On est ici pour vous détruire. Monstre contre Alien, encore une réussite du studio DreamWorks, un DVD Paramount.